Chapitre 7e. Excédé des mauvais traitements de toute espèce dont j'étais l'objet dans la prison de Douai, harassé par une surveillance redoublée depuis ma condamnation, je me gardais bien de former un appel qui eût pu m'y retenir encore plusieurs mois. Ce qui me confirma dans cette résolution, ce fut la nouvelle que les condamnés allaient être immédiatement dirigés sur Bicêtre, et réunis à la chaîne générale partant pour le bagne de Brest. Il est inutile de dire que je comptais me sauver en route. Quant à l'appel, on m'assurait que du bagne, je pourrais présenter une demande en grâce qui produirait le même effet. Nous restâmes cependant encore plusieurs mois à Douai, ce qui me fait regretter amèrement de ne m'être pas pourvu en cassation. L'ordre de translation arriva enfin, et ce qu'on croira peut-être difficilement de la part d'hommes qui vont aux galères, il fut reçu avec enthousiasme tant on était fatigué des vexations du concierge marin. Notre nouvelle position n'était cependant rien moins que satisfaisante. L'huissier Hurtrel, qui nous accompagnait je ne sais pourquoi, avait fait fabriquer des fers d'un nouveau modèle, au moyen desquels nous avions chacun à la jambe un boulet de 15 livres, en même temps que nous étions attachés deux à deux par un large bracelet en fer. Du reste, la surveillance la plus active. Il devenait donc impossible de songer à rien tenter par adresse. Une attaque de vive force pouvait seule nous sauver. J'en fis la proposition. Mes compagnons, au nombre de 14, l'acceptèrent, et il fut convenu que le projet s'exécuterait à notre passage dans la forêt de Compiègne. Des fosseux étaient le voyage. Au moyen des scies qu'il portait toujours dans ses intestins, nos fers furent coupés en 3 jours. L'enduit d'un mastic particulier ne permettait pas aux gardiens d'apercevoir la trace des instruments. On entre dans la forêt. À l'endroit indiqué, le signal se donne, les fers tombent, nous sautons des voitures où nous étions entassés pour gagner le fourré. Mais les 5 gendarmes et les 8 dragons qui formaient l'escorte nous chargent sabre en main. Nous nous retranchons alors derrière des arbres, armés de ces pierres qu'on amasse pour ferrer les routes, et de quelques armes dont nous nous étions emparés à la faveur du premier moment de confusion. Les militaires hésitent un instant, mais, bien armés, bien montés, ils ont bientôt pris leur parti. À leur première décharge, 2 des nôtres tombent morts sur la place, 5 sont grièvement blessés et les autres se jettent à genoux en demandant grâce. Il fallut alors nous rendre. Desfosseaux et moi, et quelques autres qui tenaient encore, nous remontions sur les charrettes lorsque Hurtrel, qui s'était tenu à une distance respectueuse de la bagarre, s'approcha d'un malheureux qui ne se pressait sans doute pas assez et lui passa son sabre au travers du corps. Tant de lâcheté nous indigna. Les condamnés qui n'avaient pas encore repris leur place sur les voitures ressaisirent des pierres, et sans les dragons, Hurtrel était assommé. Ceux-ci nous crièrent que nous allions nous faire écraser, et la chose était tellement évidente qu'il fallut mettre bas les armes, c'est-à-dire les pierres. Cet événement mit toutefois un terme aux vexations de Hurtrel, qui n'approchait plus de nous qu'en tremblant. À Senlis, on nous déposa dans la prison de passage, une des plus affreuses que je connusse. Le concierge cumulant les fonctions de garde champêtre, la maison était dirigée par sa femme, et quelle femme! Comme nous étions signalés, elle nous fouilla dans les endroits les plus secrets, voulant s'assurer par elle-même que nous ne portions rien qui pût servir à une évasion. Nous étions cependant en train de sonder les murs, lorsque nous l'entendîmes crier d'une voix enrouée « Coquin, si je vais à vous avec mon air de bœuf, je vous apprendrai à faire de la musique. » Nous nous le tîmes pour bien dit, et tout le monde resta quoi. Le surlendemain, nous arrivâmes à Paris. On nous fit longer les boulevards extérieurs, et à 4 heures après-midi, nous étions en vue de Bicêtre. Arrivés au bout de l'avenue qui donne sur la route de Fontainebleau, les voitures prirent à droite et frangirent une grille au-dessus de laquelle je lus machinalement cette inscription « Hospice de la vieillesse ». Dans la première cour se promenait un grand nombre de vieillards vêtus de bure grise. C'étaient les bons pauvres. Ils se pressaient sur notre passage avec cette curiosité stupide que donne une vie monotone et purement animale, car il arrive souvent que l'homme du peuple admis dans un hospice, n'ayant plus à pourvoir à sa subsistance, renonce à l'exercice de ses facultés étroites et finit par tomber dans un idiotisme complet. En entrant dans une seconde cour où se trouve la chapelle, je remarquai que la plupart de mes compagnons se cachaient la figure avec leurs mains ou avec leurs mouchoirs. On croira peut-être qu'ils éprouvaient quelques sentiments de honte. Point. Ils ne songeaient qu'à se laisser reconnaître le moins possible, afin de s'évader plus facilement si l'occasion s'en présentait. « Nous voilà arrivés, me dit Desfosseux, qui était assis à côté de moi. Tu vois ce bâtiment carré, c'est la prison. On nous fit en effet descendre devant une porte gardée à l'intérieur par un factionnaire. Entrés dans le greffe, nous fûmes seulement enregistrés. On remit à prendre notre signalement au lendemain. Je m'aperçus cependant que le concierge nous regardait, Desfosseux et moi, avec une espèce de curiosité, et j'en conclus que nous avions été recommandés par l'huissier Hurtrel, qui nous devançait toujours d'un quart d'heure depuis l'affaire de la forêt de Compiègne. Après avoir franchi plusieurs portes fort basses doublées en tôle et le guichet des cabanons, nous fûmes introduits dans une grande cour carrée, où une soixantaine de détenus jouaient au bar, en poussant des cris qui faisaient retentir toute la maison. À notre aspect, tout s'interrompit, et l'on nous entoura, en paraissant examiner avec surprise les fers dont nous étions chargés. C'était au surplus entrer à Bicêtre par la belle porte que de s'y présenter avec un pareil harnais, car on jugeait du mérite d'un prisonnier, c'est-à-dire de son audace et de son intelligence pour les évasions, d'après les précautions prises pour s'assurer de lui. Desfosseux, qui se trouvaient là en pays de connaissance, n'eut donc pas de peine à nous présenter comme les sujets les plus distingués du département du Nord. Il fit de plus, en particulier, mon éloge, et je me trouvai entouré et fêté par tout ce qu'il y avait de célèbre dans la prison. Les Beaumont, les Guillaume Père, les Mauger, les Jossa, les Maltaise, les Cornus, les Blondis, les Trouflas, les Richard, l'un des complices de l'assassinat du courrier de Lyon, ne me quittaient plus. Dès qu'on nous eut débarrassés de nos fers de voyage, on m'entraîna à la cantine, et j'y faisais raison depuis 2 heures à 1000 invitations, lorsqu'un grand homme en bonnet de police, qu'on me dit être l'inspecteur des salles, vint me prendre et me conduisit dans une grande pièce nommée le Fort Mahon, où l'on nous revêtit des habits de la maison, consistant en une casaque mi-partie grise et noire. L'inspecteur m'annonça en même temps que je serais brigadier, c'est-à-dire que je présiderais à la répartition des vivres entre mes commensaux. J'eus en conséquence un assez bon lit, tandis que les autres couchèrent sur des lits de camp. En 4 jours, je fus connu de tous les prisonniers. Mais quoiqu'on eût la plus haute opinion de mon courage, Beaumont, voulant me tâter, me chercha une querelle d'allemand. Nous nous battîmes, et comme j'avais affaire à un adepte dans cet exercice gymnastique qu'on nomme la sabbate, je fus complètement vaincu. Je pris néanmoins ma revanche dans un cabanon, où Beaumont, manquant d'espace pour déployer les ressources de son art, eut à son tour le dessous. Ma première mésaventure me donna cependant l'idée de me faire initier au secret de cet art, et le célèbre Jean Goupy, le Saint-Georges de la Sabbate, qui se trouve avec nous à Bicêtre, me compta bientôt au nombre des élèves qui devaient lui faire le plus d'honneur. La prison de Bicêtre est un vaste bâtiment quadrangulaire, renfermant diverses constructions et plusieurs cours, qui toutes ont un nom différent. Il y a la grande cour, où se promènent les détenus, la cour des cuisines, la cour des chiens, la cour de correction, la cour des fers. Dans cette dernière, se trouve le bâtiment neuf composé de 5 étages. Chaque étage forme 40 cabanons, pouvant contenir 4 détenus. Sur la plateforme qui tient lieu de toit, rôdait jour et nuit un chien nommé Dragon, qui passait dans la prison pour être aussi vigilant qu'incorruptible. Les détenus parvinrent cependant plus tard à le suborner, au moyen d'un gigot rôti qui eut la coupable faiblesse d'accepter, tant il est vrai qu'il n'est point de séduction plus puissante que celle de la gloutonnerie, puisqu'ils agissent indifféremment sur tous les êtres organisés. Pour l'ambition, pour le jeu, pour la galanterie, il est des termes fixés par la nature, mais la gourmandise ne connaît pas d'âge, et si l'appétit oppose parfois sa force d'inertie, on en est quitte pour s'émanciper par une indigestion. Cependant, les amphitryons s'étant évadés, pendant que Dragon dégustait le gigot, il fut cassé et relégué dans la cour des chiens. Là, mis à la chaîne, privé de l'air libre qu'il respirait sur la plateforme, inconsolable de sa faute, il dépérit de jour en jour et finit par succomber aux remords, victime d'un moment de gourmandise et d'erreur. Près du bâtiment dont je viens de parler s'élève le bâtiment vieux, à peu près disposé de la même manière, et sous lequel on a pratiqué les cachots de sûreté, où l'on renferme les turbulents et les condamnés à mort. C'est dans un de ces cachots qu'a vécu 43 ans celui des complices de Cartouche qui avait trahi pour obtenir cette commutation. Pour jouir un instant du soleil, il contrefit plusieurs fois le mort avec tant de perfection que lorsqu'il eut rendu le dernier soupir, 2 jours se passèrent sans qu'on lui retirât son collier de fer. Un 3e corps de bâtiment, dit de la force, comprenait enfin diverses salles où l'on déposait les condamnés arrivant de la province et destinés comme nous pour la chaîne. À cette époque, la prison de Bicêtre, qui n'est forte que par l'extrême surveillance qu'on y exerce, pouvait contenir 1200 détenus mais ils étaient entassés les uns sur les autres, et la conduite des guichetiers ne tendait nullement à adoucir ce que cette position avait de fâcheux. L'air enfrogné, la voix rauque, le propos brutal, ils affectaient de bourrer les détenus et ne se déridaient qu'à l'aspect d'une bouteille ou d'un écu. Ils ne réprimaient du reste aucun excès, aucun vice, et pourvu qu'on ne cherchât pas à s'évader, on pouvait faire dans la prison tout ce que bon semblait, sans être dérangé ni inquiété. Tandis que les hommes, condamnés pour ces attentats à la pudeur qu'on ne nomme pas, tenaient ouvertement école pratique de libertinage, les voleurs exerçaient leur industrie dans l'intérieur de la prison sans qu'aucun employé s'avisât d'y trouver à redire. Arrivait-il de la province quelque homme bien vêtu, qui, condamné pour une première faute, ne fut pas encore initié aux mœurs et aux usages des prisons? En un clin d'œil, il était dépouillé de ses habits, que l'on vendait en sa présence au plus offrant et dernier enchérisseur. Avait-il des bijoux, de l'argent? On les confisquait également au profit de la société, et comme il eût été trop long de détacher les boucles d'oreilles, on les arrachait sans que le patient osât se plaindre. Il était averti d'avance que s'il parlait, on le pendrait pendant la nuit au barreau des cabanons, sauf à dire ensuite qu'il s'était suicidé. Par précaution, un détenu, en se couchant, plaçait-il ses hardes sous sa tête, en attendant qu'il fût dans son premier sommeil. Alors on lui attachait un pavé aux pieds que l'on posait sur le bord du lit de camp. Au moindre mouvement, le pavé tombait. Éveillé par cette brusque secousse, le dormeur se mettait sur son séant, et avant qu'il se fût rendu compte de ce qu'il venait d'éprouver, son paquet, hissé au moyen d'une corde, parvenait à travers les grilles à l'étage supérieur. J'ai vu au cœur de l'hiver des pauvres diables, après avoir été dévalisés de la sorte, rester en chemise sur le préau jusqu'à ce qu'on leur eût jeté quelques haillons pour couvrir leur nudité. Tant qu'ils séjournaient à Bicêtre, en s'enterrant, pour ainsi dire, dans la paille, ils pouvaient encore défier la rigueur de la saison. Mais venait le départ de la chaîne, et alors, n'ayant d'autres vêtements que le sarrau et le pantalon de toile d'emballage, souvent ils succombaient au froid avant d'arriver à la première halte. Il faut expliquer par des faits de ce genre la dépravation rapide d'hommes qu'il était facile de ramener à des sentiments honnêtes, mais qui, ne pouvant échapper au comble de la misère que par le comble de la perversité, ont dû chercher un adoucissement à leur sort dans l'exagération réelle ou apparente de toutes les habitudes du crime. Dans la société, on redoute l'infamie. Dans une réunion de condamnés, il n'y a de honte qu'à ne pas être infâme. Les condamnés forment une nation à part. Quiconque est amené parmi eux doit s'attendre à être traité en ennemi aussi longtemps qu'il ne parlera pas leur langage, qu'il ne se sera pas approprié leur façon de penser. Les abus que je viens de signaler ne sont pas les seuls. Il en existait de plus terribles encore. Un détenu était-il désigné comme un faux frère ou comme un mouton, il était impitoyablement assommé sur place, sans qu'aucun guichetier intervînt pour le sauver. Les choses en vinrent à ce point qu'on fut obligé d'assigner un local particulier aux individus qui, dans l'instruction de leur affaire, avaient fait quelques révélations qui pussent les compromettre, relativement à leurs complices. D'un autre côté, l'impudence des voleurs et l'immoralité des employés étaient portées si loin qu'on préparait ouvertement dans la prison des tours de passe-passe et des escroqueries dont le dénouement avait lieu à l'extérieur. Je ne citerai qu'une de ces opérations, elle suffira pour donner la mesure de la crédulité des dupes et de l'audace des fripons. Ceux-ci se procuraient l'adresse de personnes riches habitant la province, ce qui était facile au moyen des condamnés qui en arrivaient à chaque instant. On leur écrivait alors des lettres, nommées en argot lettres de Jérusalem, et qui contenaient en substance ce qu'on va lire. Il est inutile de faire observer que les noms de lieux et de personnes changeaient en raison des circonstances. Monsieur, vous serez sans doute étonné de recevoir cette lettre d'un inconnu qui vient réclamer de vous un service. Mais dans la triste position où je me trouve, je suis perdu si les honnêtes gens ne viennent pas à mon secours. C'est vous dire que je m'adresse à vous, dont on m'a dit trop de bien pour que j'hésite un instant à vous confier toute mon affaire. Valet de chambre du marquis de X, j'émigrai avec lui. Pour ne pas éveiller les soupçons, nous voyagions à pied et je portais le bagage, y compris une cassette contenant 16 000 francs en or et les diamants de feu madame la marquise. Nous étions sur le point de joindre l'armée de X lorsque nous fûmes signalés et poursuivis par un détachement de volontaires. Monsieur le marquis, voyant qu'on nous serrait de près, me dit de jeter la cassette dans une mare assez profonde près de laquelle nous nous trouvions, afin que sa présence ne nous trahît pas dans le cas où nous serions arrêtés. Je comptais revenir la chercher la nuit suivante, mais les paysans, Ameuté par le tocsin que le commandant du détachement faisait sonner contre nous, se mirent avec tant d'ardeur à battre le bois où nous étions cachés qu'il ne fallut plus songer qu'à fuir. Arrivé à l'étranger, M. le marquis reçut quelques avances du prince de X, mais ses ressources s'épuisèrent bientôt et il songea à m'envoyer chercher la cassette restée dans la mare. J'étais d'autant plus sûr de la retrouver que le lendemain du jour où je m'en étais dessaisi, nous avions dressé de mémoire le plan des localités dans le cas où nous resterions longtemps sans pouvoir y revenir. Je partis, je rentrai en France, et j'arrivai sans accident jusqu'au village de X, voisin du bois où nous avions été poursuivis. Vous devez connaître parfaitement ce village puisqu'il n'est guère qu'à 3/4 de lieue de votre résidence. Je me disposai à remplir ma mission, quand l'aubergiste chez lequel je logeais, jacobin enragé et acquéreur de biens nationaux, remarquant mon embarras quand il m'avait proposé de boire à la santé de la République, me fit arrêter comme suspect. Comme je n'avais point de papier et que j'avais le malheur de ressembler à un individu poursuivi pour arrestation de diligence, on me colporta de prison en prison pour me confronter avec mes prétendus complices. J'arrivai ainsi à Bicêtre, où je suis à l'infirmerie depuis 2 mois. Dans cette cruelle position, me rappelant avoir entendu parler de vous par une parente de mon maître, qui avait du bien dans votre canton, je viens vous prier de me faire savoir si vous ne pourriez pas me rendre le service de lever la cassette en question et de me faire passer une partie de l'argent qu'elle contient. Je pourrais ainsi subvenir à mes pressants besoins et payer mon défenseur, qui me dit qu'il la présente et m'assure qu'avec quelques cadeaux, je me tirerai d'affaire. Recevez monsieur, etc. Signé N. Sur 100 lettres de ce genre, 20 étaient toujours répondues. On cessera de s'en étonner si l'on considère qu'elles ne s'adressaient qu'à des hommes connus par leur attachement à l'ancien ordre de choses et que rien ne résonne moins que l'esprit de parti. On témoignait d'ailleurs au mandataire présumé cette confiance illimitée qui ne manque jamais son effet sur l'amour-propre ou sur l'intérêt. Le provincial répondait donc en annonçant qu'il consentait à se charger de retirer le dépôt. Nouvelle missive du prétendu valet de chambre, pourtant que, dénué de tout, il avait engagé un infirmier pour une somme assez modique la malle où se trouvait, dans un double fond, le plan dont il a déjà été question. L'argent arrivait alors et il recevait jusqu'à des sommes de 1200 francs. Quelques individus, croyant faire preuve d'une grande sagacité, vinrent même du fond de leur province à Bicêtre, où on leur remit le plan destiné à les conduire dans ce bois mystérieux, qui, comme les forêts fantastiques des romans de chevalerie, devaient fuir éternellement devant eux. Les Parisiens eux-mêmes donnèrent quelquefois dans le panneau, et l'on peut se rappeler encore l'aventure de ce marchand de draps de la rue des Prouvaires, surpris, minant une arche du Pont Neuf sous laquelle il croyait trouver les diamants de la duchesse de Bouillon. On comprend du reste que de pareilles manœuvres ne pouvaient s'effectuer que du consentement et avec la participation des employés, puisqu'eux-mêmes recevaient la correspondance des chercheurs de trésors. Mais le concierge pensait qu'indépendamment du bénéfice indirect qu'il en retirait, par l'accroissement de la dépense des prisonniers, en comestibles et en spiritueux, ceux-ci, occupés de cette manière, en songeaient moins à s'évader. D'après le même principe, il tolérait la fabrication d'une foule d'ouvrages en paille, en bois, en os, jusqu'à celle de fausses pièces de 2 sous dont Paris se trouva un instant inondé. Il y avait encore d'autres industries, mais celles-là s'exerçaient clandestinement. On fabriquait à 8 clos de faux passeports à la plume, imités à faire illusion, des scies à couper les fers et de faux tours en cheveux qui servaient merveilleusement à s'évader du bagne, les forçats étant surtout reconnaissables à leur tête rasée. Ces divers objets se cachaient dans des étuis de fer blanc qu'on pouvait s'introduire dans les intestins. Pour moi, toujours préoccupé de l'idée d'éviter le bagne et de gagner un port de mer où je pourrais m'embarquer, je combinais nuit et jour les moyens de sortir du Bicêtre. J'imaginais enfin qu'en perçant le carreau du fort Mahon pour gagner les aqueducs pratiqués sous la maison, nous pourrions, au moyen d'une courte mine, arriver dans la cour des fous d'où il ne devait pas être difficile de gagner l'extérieur. Ce projet fut exécuté en 10 jours et autant de nuits. Pendant tout ce temps, les détenus dont on croyait devoir se méfier ne sortaient qu'accompagnés d'un homme sûr. Il fallut cependant attendre que la lune fût sur son déclin. Enfin, le 13 octobre 1797, à 2 heures du matin, nous descendîmes de l'aqueduc au nombre de 34. Munis de plusieurs lanternes sourdes, nous eûmes bientôt ouvert le passage souterrain et pénétré dans la cour des fous. Il s'agissait de trouver une échelle, ou tout au moins quelque chose qui pût en tenir lieu, pour escalader les murs. Une perche assez longue nous tomba enfin sous la main, et nous allions tirer au doigt mouillé à qui montrait le premier, quand un bruit de chaîne troubla tout à coup le silence de la nuit. Un chien sortit d'une niche placée dans un angle de la cour. Nous restâmes immobiles, retenant jusqu'à notre haleine, car le moment était décisif. Après s'être étendu en bâillant, comme s'il n'eût voulu que changer de place, l'animal remit une patte dans sa niche, paraissant vouloir y entrer. Nous nous croyions sauvés. Tout à coup, il tourna la tête vers l'endroit où nous étions entassés et fixa sur nous deux yeux qui semblaient des charbons ardents. Un grognement sourd fut alors suivi d'aboiements qui firent retentir toute la maison. Des fosseux voulaient d'abord essayer de lui tordre le cou, mais l'indiscret était de taille à rendre l'issue de la lutte assez douteuse. Il nous parut plus prudent de nous blottir dans une grande pièce ouverte qui servait au traitement des aliénés, mais le chien n'en continua pas moins son concerto et ses collègues s'étant mis de la partie, le vacarme devint tel que l'inspecteur des salles, Giroux, vit qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire parmi ses pensionnaires. Connaissant son monde, il commença sa ronde par le fort Mahon et faillit tomber à la renverse en ne trouvant plus personne. À ses cris, le concierge, les guichetiers, la garde, tout accourut. On eut bientôt découvert le chemin que nous avions pris, et l'on n'en prit pas d'autre pour arriver dans la cour des fous, où le chien, ayant été déchaîné, courut droit à nous. La garde entra alors dans la pièce où nous nous trouvions, la baïonnette croisée, comme s'il se fût agi d'enlever une redoute. On nous mit les menottes, prélude ordinaire de tout ce qui se fait d'un peu important en prison, puis nous rentrâmes, non pas au fort Mahon, mais au cachot, sans qu'on nous fît toutefois éprouver aucun mauvais traitement. Cette tentative, la plus hardie dont la maison eût été depuis longtemps le théâtre, avait jeté une telle confusion parmi les surveillants qu'on fut de jour à s'apercevoir qu'il manquait un détenu du fort Mahon. C'était des fosseux. Connaissant toute son adresse, je le croyais bien loin, quand le troisième jour au matin, je le vis entrer dans mon cachot, pâle, défait et tout sanglant. Lorsque la porte eut été refermée sur lui, il nous raconta toute son aventure. Au moment où la garde nous avait saisis, il s'était blotti dans une espèce de cuve servant probablement aux douches ou aux bains. N'entendant plus de bruit, il était sorti de sa retraite et la perche l'avait aidé à franchir plusieurs murs, mais il se trouvait toujours dans les cours de fous. Cependant, le jour allait poindre. Il entendait déjà aller et venir dans les bâtiments, car on n'est nulle part aussi matineux que dans les hospices. Il fallait se soustraire au regard des employés, qui ne pouvaient tarder à circuler dans les cours. Le guichet d'une loge était entr'ouvert. Il s'y glisse et veut même, par excès de précaution, se fourrer dans un grand tas de paille. Mais quel est son étonnement d'y voir accroupi un homme nu, les cheveux en désordre, la barbe hérissée, l'œil hagard et sanglant. Le fou, car c'en est un, regarde des fosseux d'un air farouche, puis il fait un signe rapide et comme celui-ci reste immobile, il s'élance comme pour le déchirer. Quelques caresses semblent l'apaiser. Il prend des fosseux par la main et le fait asseoir à ses côtés en attirant toute la paille sous lui par des mouvements brusques et saccadés comme ceux du singe. À 8 heures du matin, un morceau de pain noir tombe par le guichet. Il le prend, l'examine quelque temps et finit par le jeter dans le baquet aux excréments d'où il le retire un instant après pour le dévorer. Dans la journée, on rapporte du pain, mais comme le fou dormait, des fosseux s'en emparent et le dévorent au risque d'être dévoré par son terrible compagnon qui peut trouver mauvais qu'on lui enlève sa pitance. À la brune, le fou s'éveille et parle quelque temps avec une volubilité extraordinaire. La nuit arrive, son exaltation augmente sensiblement. Il se met à faire des gambades et des contorsions hideuses en secouant ses chaînes avec une espèce de plaisir. Dans cette épouvantable position, des fosseux attendaient avec impatience que le fou fût endormi pour sortir par le guichet. Vers minuit, ne l'entendant plus remuer, il s'avance, passe un bras, la tête, on le saisit par une jambe. C'est le fou, qui d'un bras vigoureux le rejette sur la paille et se place devant le guichet où il reste jusqu'au jour, immobile comme une statue. La nuit suivante, nouvelle tentative, nouvel obstacle. Des fosseux, dont la tête commence à se détraquer, veut employer la force. Une lutte terrible s'engage, et des fosseux, frappés de coups de chaîne, couverts de morsures et de contusions, est forcé d'appeler les gardiens. Ceux-ci, le prenant d'abord pour un de leurs administrés qui se sera fourvoyé, veulent aussi le mettre en loge, mais il parvient à se faire reconnaître et obtient enfin la faveur d'être ramené avec nous. Nous restâmes 8 jours au cachot, après quoi je fus mis à la chaussée où je retrouvai une partie des détenus qui m'avaient si bien accueilli à mon arrivée. Ils faisaient grande chair et ne se refusaient rien, car indépendamment de l'argent provenant des lettres de Jérusalem, ils en recevaient encore des femmes qu'ils avaient connues et qui venaient les visiter fort assidûment. Devenu, comme à Douai, l'objet de la surveillance la plus active, je n'en cherchais pas moins à m'évader encore, lorsqu'enfin arriva le jour du départ de la chaîne.